que les gens m'exaspèrent. Pour vivre heureux, vivons cachés, passe-moi la cape à Casper. Paraît que j'ai trop de propos vulgaires. Quand je suis pas content, la galère m'apporte rien, alors je passe mon temps à traficoter, pas à tripoter. Obsédé du fric et des bons dièses à tripoter. Les frères s'exilent au large, attirés par les profondeurs. On fait pas croisière en bas, au mirage sonnera ton heure. Trop de sourires hypocrites, fils de pute qui profite. Trahi par le profit, demande plus pourquoi on devient autiste. Okay. J'dors mal, j'rêve pas, j'nique tout, j'répare. Mes visions changent pas, même sous des rêves. J'rappe pour les couches-tards, les Ludo, les Ousmane. Pour faire des projets d'avenir, il serait temps qu'on se maille. J'en place une pour Blois, MPC, les Gaudières, Orléans, DPH, Lusitania, trop fier. Mesure de bâtard.